quelques mois, une nouvelle espèce de plante carnivore de la famille des Nepenthes a été découverte sur une montagne aux Philippines qui en abrite déjà 7 autres. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de parler de ces plantes carnivores, si diverses et si fascinantes. À quel moment de l'évolution ces végétaux se sont-ils adaptés pour être capables d'attirer, de capturer et de digérer de petits animaux, des insectes bien sûr, mais aussi parfois des petits lézards ou des grenouilles pour certaines d'entre elles? Quelles sont les différentes stratégies, parfois redoutablement complexes, qui ont été développées par ces plantes? On vous dit tout sur les petites plantes qui mangent les grosses bêtes. Carnivore, la fin justifie les moyens. C'est le programme gourmand qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et oui, on précise encore que nous sommes en direct. Ça ne va plus de soi de nos jours pour la quatrième semaine. Ravi d'être dans ce studio de France Culture pour vous raconter aujourd'hui l'histoire de ces plantes carnivores et faire le tour de leur incroyable diversité. Nous avons le plaisir de recevoir à distance, comme il se doit, Sophie Nadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de botanique à l'Université Paris-Saclay, responsable de l'équipe évolution des angiospermes au laboratoire d'écologie systématique et évolution. Et Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle à l'Université de Gdansk et de Kunming. Quand on pense plantes carnivores, bien c'est vrai qu'on imagine facilement des contrées reculées à la nature sauvage. Eh bien, détrompez-vous, des plantes carnivores, il y en a sous nos latitudes, comme l'atteste notre archive du jour. C'est Henri Romagnesi du Muséum qui nous parle sur France Culture. Nous sommes en 1970. En Europe, nous avons d'abord des plantes aquatiques qu'on appelle les étriculaires, qui forment de merveilleuses petites outres, d'où leur nom, ou bouettes. Oui. Qui piègent de minuscules animaux, même de petits mollusques. Et c'est en somme un système assez analogue à celui de la nasse utilisé par les pêcheurs. Oui. Mais chez nous, dans nos régions, le cas le plus connu est celui des plantes qu'on appelle les rosolis, c'est-à-dire les droseras. Ces plantes sont couvertes de poils à tête glutineuse visqueuse qui constituent de véritables attrape-mouches. Les mouches se trouvent prises dans cette glu, les poils se referment, l'insecte est digéré. On a calculé que, dans une saison, une drosera consommait ainsi 2000 proies. Quelle gourmande! Il est très certain que l'insecte n'est pas absolument nécessaire au développement de la plante. Une drosera peut se développer sans l'apport d'aliments carnés, mais elle est beaucoup moins féconde et beaucoup moins robuste que lorsqu'elle se nourrit de mouches et d'insectes. Voilà, extrait de l'émission La Science en Marche sur France Culture en 1970. Une réaction l'un et l'autre, peut-être, à cette archive, Sophie Nadeau? Oui, alors déjà c'est tout à fait vrai que il y a des plantes carnivores sous nos latitudes et même pas très loin de chez nous, en tout cas quand on habite en Île-de-France. Donc il y a des plantes carnivores en Île-de-France, il y a où des droseras notamment. Par exemple. Alors, je saurais pas vous dire exactement dans où, quel type d'écosystème. Il faut chercher les tourbières. Dans les tourbières, vous allez trouver des droseras, les petits rosolis, drosera rotundifolia, qui est l'espèce la plus répandue en France. On la trouve dans de très nombreux endroits, en France et en Europe. Hein. Donc elle est très répandue et on la trouve en Île-de-France. Donc je saurais pas vous dire exactement où. Moi j'en ai jamais vu en Île-de-France, mais j'ai pas spécialement fréquenté les tourbières en Île-de-France. J'en ai vu ailleurs en France. J'ai vu des pinguicules également ailleurs en France. Des utriculaires non. Mais voilà, donc c'est en cherchant un petit peu, on peut en trouver. Autre chose, c'est ce que vous avez dit en introduction sur les petites plantes qui mangent des grosses bêtes. En réalité, les proies sont pas très grosses. Je sais bien, voilà. Mais c'était un effet de titraille. C'était pour appâter le chaland, comme on dit, si vous voulez. C'est parce que je tout résistais pas au plaisir du bon mais mot. De toute façon. Voilà, et puis c'est des plantes qui ont fait marcher énormément l'imaginaire depuis le 19e siècle. Et on va revenir sur l'histoire de la découverte de ces plantes carnivores. On pourra d'ailleurs interroger la dénomination plante carnivore qui a dressé un peu les poils de l'échine de certaines personnes au moment où ça a été formulé. Peut-être Marc-André Sellos, un mot d'abord sur cette archive que vous venez d'entendre. Oui, alors effectivement, il y en a pas très loin de chez nous. C'est pas forcément les plus imposantes, hein. Quand on va en zone tropicale, on a des plantes donc carnivores, mais qui poussent sur les branches d'autres plantes, les népenthes. C'est le groupe d'ailleurs dont on a découvert une nouvelle espèce récemment, et qui ont des espèces au bout des feuilles d'urnes, qui contiennent un liquide digestif qui va digérer les proies. Et là, on a des records jusqu'à 1 litre de liquide digestif dans ces urnes. Donc, ce sont des urnes qui peuvent être de très, très grande taille. Donc, il y en a de beaucoup plus impressionnantes loin de chez nous. Et l'autre grand endroit où il y a des espèces assez intéressantes, hein, comme la plante cobra, le Darlingtonia ou les Sarracenia, eh bien, ce sont, comme disait Sophie, là aussi des tourbières. C'est ces tourbières et ces milieux humides qui couvrent le nord du Canada. Donc, il y en a beaucoup plus imposante que chez nous, où c'est vrai, ça reste une présence discrète, mais certaine. Voilà. Et puis globalement, peut-être aussi un commentaire sur les endroits où on les trouve. Hein. Alors sans dévoiler d'endroits, il y a quand même des tourbières, même par exemple dans le Jura ou en Bretagne, qu'on peut visiter et où on peut en voir. Hein. Mais plus exactement, l'écologie de ces plantes-là, c'est une écologie particulière. En effet, le fait de faire des pièges. Vous comprenez qu'avoir des poils collants sur les feuilles, ça laisse pas bien passer la lumière. Que transformer une partie d'une feuille en une urne qui fait un piège, bah, c'est une partie de la feuille qui va pas bien faire la photosynthèse. Donc il faut que par ailleurs, tous les voyants soient au vert pour la photosynthèse. De façon à ce que même avec des feuilles qui fonctionnent pas parfaitement pour la photosynthèse, puisqu'elles sont occupées en partie à autre chose, eh bien ça marche. Donc les endroits où vous allez trouver, c'est les endroits en gros où il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'ombre. D'eau. Mmh. Beaucoup d'eau. Bon, ce serait pire, justement. Alors, ça va être deux grands endroits. Les sols pauvres, où il n'y a pas beaucoup de végétation, il y a de l'eau dans le sol et pas beaucoup de végétation dessus. Et c'est les tourbières, hein, par exemple. Et puis, il y a la grande niche écologique des plantes épiphytes. C'est-à-dire des plantes qui vivent sur les branches des autres, dans les milieux tropicaux. Donc, là, il y a pas mal d'eau, il y a pas mal de lumière, puisqu'elles sont en haut, mais comme elles sont loin du sol, bah, elles n'arrivent pas à manger très bien par leurs racines. Mmh. Et puis on peut ajouter les rochers également. Les rochers dans lesquels on trouve des suintements qui forment des habitats pour les plantes carnivores, pour certaines plantes carnivores. Mmh. On peut en trouver dans les déserts. C'est-à-dire dans des endroits finalement où les sols sont assez pauvres en nutriments. Mais on va y revenir, peut-être un mot sur cette espèce nouvelle découverte aux Philippines. On découvre encore aujourd'hui beaucoup, Sophie Nadeau, de nouvelles espèces de plantes carnivores ou insectivores, ou est-ce qu'on a tout de même, grosso modo, fait relativement bien le tour des groupes phylogénétiques? Alors, ça c'est une très bonne question. Et ça amène en fait à une grande question qui est: quelles sont les limites en fait de la carnivorie? Quelles sont les limites de la carnivorie? Donc vous l'avez dit tout à l'heure, une plante carnivore telle qu'on la définit classiquement, elle est capable d'attirer par un certain nombre de signaux, elle est capable de capturer par des mucilages ou des pièges à eau, elle est capable de digérer, soit par des enzymes qu'elle produit elle-même, soit par en se faisant aider de bactéries. Et puis ensuite, elle est capable d'assimiler. En fait, il y a des plantes qui sont classiquement pas considérées comme carnivores, mais qui sont quand même capables d'attirer et de capturer, et pour lesquelles on ne sait pas forcément si elles sont, jusqu'où elles vont en fait après. Est-ce qu'elles sont capables de digérer? Est-ce qu'elles sont capables d'assimiler? Donc il y a probablement encore des plantes pour lesquelles, il y a même des plantes décrites déjà qu'on connaît, pour lesquelles on sait pas encore forcément très bien si elles sont carnivores ou pas, c'est-à-dire capables d'assimiler des composés organiques en fait, issus de la digestion de proies. Marc-André. Voilà. Donc il y a déjà ça. Oui. Non, pardon, j'allais dire, Marc-André Sellos, peut-être un mot justement sur la diversité aujourd'hui et sur est-ce que cette découverte d'une nouvelle espèce est chose relativement rare, ou au contraire, est-ce qu'on continue à découvrir un grand nombre de ces plantes carnivores ou insectivores aujourd'hui? Disons que la découverte des plantes, bon, ça commence quand même à stationner, hein. C'est pas comme les champignons ou les bactéries où on en a des pelles qui sortent tous les jours, on n'arrive même pas à leur donner de nom. Il y a quand même, bon, on est sur la découverte maintenant de quelques milliers de plantes par an, et c'est vrai que parmi elles, celles qui sont carnivores, ça peut être justement vu comme un événement ce qui s'est passé, parce que c'est pas si fréquent. Ça dit, Sophie a tout à fait raison. Pour moi, la vraie question, c'est toutes ces espèces qui patrouillent à la frontière de la carnivorie. Bon, Sophie disait très bien qu'on est carnivore quand on capture, digère et puis ingère les produits de la digestion des proies, tout à fait. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y en a pas qui sont au bord de ça? Et effectivement, les plantes collantes, bon, quand une plante est collante, eh bien, les bestioles qui sont collées dessus vont être décomposées par des microbes et les produits de la digestion des microbes peuvent éventuellement rentrer dans la plante. On a un autre exemple, c'est les broméliacées, qui sont les plantes de la famille de l'ananas, qui sont faites de touffes de feuilles qui, comme l'ensemble des feuilles sommitales de l'ananas, recueillent l'eau, recueillent des débris. Ces débris, cette eau, ces débris, ça, bah, il y a des décompositions qui s'opèrent et il peut passer une partie de ça dans la plante. Alors récemment, avec un collègue, avec des collègues américains, là, on s'est intéressé à une population de plantes. L'espèce est une boraginacée. Bon, il y en a. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des individus qui ont des poils collants, mais ils digèrent pas. Il n'y a pas d'enzyme. Et d'autres qui n'ont pas de poils collants. Il y en a qui sont pleins d'insectes collés dessus, puis les autres, bah, comme ils ne sont pas collants, il n'y a pas d'insectes collés dessus. Bon, en, par parenthèse, hein, le fait d'avoir des poils collants, c'est une défense, parce que quand il y a un insecte qui arrive, il se retrouve scotché, et pour un insecte qui attaquerait la plante, bah, il a bien du mal ensuite à l'attaquer quand il est tout englué. Et on a essayé de regarder, est-ce qu'on retrouvait de l'azote des petits animaux dans ces plantes, si elles étaient collantes, et pas, bien sûr, lorsqu'elles n'étaient pas collantes. Alors, il faut savoir que les animaux, ils sont enrichis en une forme d'azote, un inazote particulier d'azote qu'on appelle l'azote 15. Ils en ont plus que les plantes. Et donc, si jamais une plante mange un animal, eh bien, elle va se retrouver enrichie elle-même en azote 15, cette forme rare de l'azote, plus qu'une plante qui mange normalement à partir de l'azote du sol. Et alors, le problème, c'est que dans certaines populations, effectivement, les individus collants sont enrichis en azote 15, donc ils ont bien l'air de récupérer un petit peu. Dans d'autres populations, c'est pas le cas, et on est sur des on est peut-être sur une forme de transition qui pourrait évoluer vers une nouvelle carnivorie, mais du coup c'est pas bien clair encore que ce soit le cas partout. Une évolution à terme de milliers d'années. Oui, Sophie Nadeau. Oui. Oui, juste pour revenir sur votre question qui était est-ce qu'on en découvre souvent? En fait, non, pas tellement, parce que si on regarde le nombre d'espèces qui sont considérées comme carnivores, alors vrai carnivore avec des vrais avec beaucoup de guillemets, il tourne autour de 600. Alors entre 580 et 700 selon les auteurs, il tourne autour de 600 depuis un bon moment déjà. Donc on va découvrir de temps en temps une nouvelle espèce probablement, mais ça c'est rare et effectivement ça fait un événement. En revanche, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on découvre encore aujourd'hui, alors c'est rare aussi, mais de nouveaux cas de carnivorie chez des genres qui étaient décrits. Alors il y a le genre Philcoxia, par exemple, qui appartient à une famille, pour rappeler des plantes connues, la famille des mufliers ou des véroniques. Voilà. Et bien, on s'est aperçu que cette plante était correspondait au phénotype, à la définition de carnivore il y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement. D'ailleurs, c'est des plantes qui vivent au Brésil. Donc, Marc-André les connaît peut-être. Et voilà. Donc, c'est un cas de carnivorie qui n'était pas répertorié jusqu'à il y a quelques années dans la liste classiquement connue. On va jouer à un jeu tout au long de cette heure avec ma camarade Noémie Naguette-Saint-Vulfranc qui s'occupe de d'abonder le fil Twitter de l'émission en lien vers des études, ce qu'on fait tous les jours, vers des références par rapport à ce qui est dit. On va essayer de dire qu'à chaque fois que vous prononcez le nom d'une des plantes carnivores, on va essayer de lui demander de trouver une illustration correspondante pour nos auditeurs et on va voir si elle tient toute l'heure sans transpirer trop. En tout cas, on va essayer d'illustrer au maximum si vous voulez aller voir à quoi ressemblent ces plantes, parce qu'il faut dire que quand on se plonge là-dedans, bien c'est vrai que les phénotypes sont souvent assez incroyables et les stratégies dont on va parler d'ailleurs dans un instant pour capturer et digérer ces insectes, ces petits insectes et parfois des petits animaux aussi, on va en parler tout de suite dans la suite de l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des plantes insectivores ou des plantes carnivores avec Sophie Nadeau et Marc-André Sellos. On va remonter un peu le fil du temps et de la découverte parce que c'est intéressant. On va voir que ça n'a pas été simple d'imposer ces plantes carnivores un peu à cheval entre deux règnes au fil de l'histoire du naturalisme. Peut-être un mot pour commencer, Sophie Nadeau. Les premières identifications de plantes carnivores, on en trouve très tôt dans la littérature médiévale, mais à quel moment ça devient finalement un objet pour le botaniste ou le naturaliste? Alors, donc effectivement, les plantes Les plantes qui sont aujourd'hui connues comme carnivores, certaines étaient déjà connues au Moyen-Âge. Alors combien, je pourrais pas vous dire. Ce qui était connu, c'est notamment les droseras, dont on connaissait des propriétés médicinales, et puis des propriétés pour faire cailler le lait, du fait de l'acidité des feuilles. Donc ça c'était connu au Moyen-Âge. Alors, par quelle source, je ne sais pas, ça figure pas dans l'ouvrage célèbre de Dioscoride de Materia Medica qui répertorie les plantes médicinales, à peu près 600 plantes médicinales, et qui servait de référence pendant tout le Moyen-Âge. Ça figure pas dans cet ouvrage, il n'y a pas de plantes carnivores qui figurent, j'ai regardé, j'ai été vérifié. En revanche, bon, il y a des sources qui disent que c'était connu. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle qu'on commence à suspecter qu'il pourrait bien se passer des choses étranges avec ces plantes. Alors ça commence au début, au XVIIIe siècle, avec Linné a décrit des plantes carnivores. Hein, il a décrit une qui est bien connue, qui est la Sarracénie, Sarracenia purpurea. Il l'a décrite, mais il n'y croyait pas à la carnivorie. C'est le botaniste John Ellis, qui était un confrère anglais, qui a décrit, lui, la Dionée. Dionea muscipula, et qui a commencé à suspecter que cette plante qui avait des feuilles vraiment particulières et puis sur laquelle on trouvait des insectes collés pourrait être carnivore. Alors il a échangé avec Linné à ce sujet, mais Linné n'y croyait pas. Et donc on est resté comme ça pendant la fin du XVIIIe siècle et puis une partie du XIXe siècle jusqu'à ce que Darwin arrive. Et Darwin était un excellent botaniste et il avait une passion pour les relations entre les plantes et les insectes. Il s'est beaucoup intéressé à la pollinisation, mais en regardant les pollinisateurs, il a regardé aussi autre chose et il s'est intéressé à ce qui se passait sur d'autres parties de la plante. Et c'est ainsi qu'il a été amené à s'intéresser à Drosera rotundifolia, sur laquelle il a mené les premières expériences démontrant la présence de carnivorie. Alors comment il a fait ? Il a donné à manger à la plante, il lui a donné du blanc d'œuf, il lui a donné de la viande, et puis aussi de l'amidon, du sucre. Et il s'est aperçu que le blanc d'œuf et la viande disparaissaient, alors que l'amidon et le sucre pas du tout. Et donc c'est comme ça qu'il a démontré expérimentalement le phénomène de carnivorie, d'abord chez cette drosera et puis aussi chez la dionée. La dionée, on peut rappeler pour les auditeurs que c'est la plante carnivore type, c'est-à-dire avec les deux petits bâtons qui se referment et les espèces de dents ou de je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs en termes de botanique. Oui, on appelle ça un piège à mâchoire. Voilà, c'est un piège à mâchoire tout simplement. Marc-André Cellos, justement là-dessus sur Insectivorous plants de Darwin en 1875 et cette notion, cette nomenclature de carnivore qui ne plaît pas beaucoup aux autorités religieuses. Alors, bon, effectivement, oui, Darwin, lorsqu'il a bien dit, il ne faut pas oublier que c'est un botaniste aussi, et la Dionée, il disait que c'est l'une des plus extraordinaires plantes du monde. Il était vraiment fasciné par cette plante, d'ailleurs on y reviendra, son piège à mâchoire, il fonctionne quand même à une vitesse absolument étonnante, hein, c'est en quelques dizaines de secondes que ça fonctionne. On va y revenir. Effectivement, il a fait des études très fines. Lui, il montre bien la digestion, c'est ça qui est assez extraordinaire, hein, la digestion et l'ingestion. Il en donne des preuves indirectes. Il va vraiment très loin dans ce qu'est notre définition actuelle. Alors, carnivore ou pas ? Moi, j'avoue ne pas connaître ce qui oppose la religion à cet autre aspect encore de l'avancée des sciences, pour le coup. Mais je pense que le terme est il est tout à fait justifié biologiquement, dans la mesure où il y a consommation de viande, indubitablement. Cela dit, les plantes carnivores ont une certaine flexibilité, et on sait aussi, notamment dans le cas de plantes à piège, hein, qui font comme des urnes où il peut tomber autre chose, qu'il arrive qu'il y ait autre chose qui rentre. Bon, on a par exemple des crottes d'animaux qui traînent là-dedans, qui sont digérées, et dans les népenthèses dont on parlait tout à l'heure, il y a certaines formes qui sont très ouvertes par le haut, où il tombe de la litière des feuilles qui sont au-dessus. Je rappelle que les népenthèses, elles sont dans la canopée des arbres, hein, mais voilà. Et donc, il peut y avoir autre chose qui est digérée. Et dans ces cas-là, on a des feuilles qui tombent et qui sont digérées. Et jusqu'à la moitié de l'azote que ces népenthèses-là récupèrent dans leurs urnes est de l'azote venu des feuilles mortes. Donc, elles peuvent être un peu plus omnivores, voilà, pour continuer sur la métaphore. Mais c'est vrai que, bon, le mot de carnivorie peut étonner, mais il est, à parler biologiquement, pas choquant. Et c'est intéressant parce que si on commence à regarder un peu justement l'aspect phylogénétique, en revanche, on peut dire qu'elles appartiennent toutes à une grande catégorie qui est celle des angiospermes, mais qu'à l'intérieur de cette grande catégorie... Non, pas tout à fait. Sophie Nadeau, corrigez-moi. Alors, effectivement, la grande majorité des plantes carnivores connues aujourd'hui appartiennent aux plantes à fleurs, donc les angiospermes. Mais il y a deux autres espèces de, alors espèces ou au moins genres de plantes carnivores qui sont connues chez le groupe des bryophytes, donc mousses et hépatiques. Très bien. Voilà, donc on les oublie souvent, celles-là. Bah, la preuve, c'est que je les ai oubliées moi-même. Donc. Voilà. Elles ont des pièges en, qui seraient plutôt des pièges en urne. Voilà. Et néanmoins, alors pour développer un peu cela, on voit que entre on va prendre une par une les différentes stratégies qui ont été développées par ces différentes familles de plantes, mais on voit qu'il y a en tout cas beaucoup de genres, beaucoup d'espèces différentes et beaucoup de stratégies différentes, ce qui signifierait en quelque sorte, Marc-André Sellos, que la carnivorie, elle ne vient pas d'un ancêtre commun du tout. Alors oui, d'ailleurs de ce point de vue-là, Darwin s'était planté. Il avait mis dans le même groupe toutes les plantes. Il avait pensé en fait que les poils collants, on a dans la Drosera, mais aussi dans des plantes comme Roridula, qui est une plante d'Amérique du Sud, il avait considéré que toutes ces plantes, en fait, les poils en question étaient ce qu'il appelait, enfin ce qu'on appelle maintenant une homologie, c'est-à-dire que ça témoignait d'un ancêtre commun. On sait aujourd'hui, en fait, ça a été inventé plusieurs fois. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un, et d'ailleurs même à l'intérieur des Drosera, donc le groupe où il y a plusieurs centaines d'espèces, ce groupe de plantes à poils collants, qui est très diversifié en Australie, où il semble bien que les poils collants aient été eux-mêmes inventés plusieurs fois à l'intérieur de ce groupe lors de son évolution. Donc on se retrouve avec une image assez complexe, où on a à la fois des pièges différents qui sont inventés dans des groupes différents. Mais il semble bien que dans beaucoup de groupes, enfin il semble bien, il est établi que dans beaucoup de groupes, on, de façon, par une évolution qu'on dit convergente, on retrouve les mêmes pièges. Par exemple, on retrouve des poils collants dans différents groupes, on retrouve des urnes dans différents groupes. Il y a donc beaucoup d'évolutions convergentes. C'est un truc assez marrant de voir que finalement, c'est du bricolage évolutif qui s'opère avec finalement un peu n'importe quoi qui sert de piège. Ça peut être une utricule qui est sans doute une feuille modifiée, ça peut être une partie de la feuille, c'est l'urne terminale des népenthes, ça peut être toute la feuille. C'est finalement quelque chose qui est bricolé un petit peu n'importe comment dans l'évolution, du moment que ça fait les fonctions qui sont attrapées et digérées. Sophie Nadeau, sur cette grande diversité de stratégies évolutives qui conduisent finalement bien à la même finalité. Oui, alors pour reprendre la question de la classification, alors il y a un autre scientifique qui avait proposé de mettre toutes ces plantes carnivores dans un même groupe taxonomique, c'est Léon Croizat, dans les années 1960, qui avait proposé d'en faire une seule origine évolutive commune. Il pensait que c'était pas possible, que ce mécanisme où ces mécanismes assez sophistiqués soient apparus plusieurs fois au cours de l'évolution, et il avait proposé une sorte de hiérarchie dans la carnivorie en passant des pièges passifs à des pièges actifs. Et puis, quand on a eu des phylogénies suffisamment robustes, on s'est évidemment aperçu que les plantes carnivores appartiennent en réalité à des groupes taxonomiques qui n'ont pas d'ancêtre commun direct. Donc la carnivorie est apparue de façon répétée au cours de l'évolution des plantes à fleurs. Alors, elle est apparue dans au moins sept fois, le caractère carnivorie est apparu au moins sept fois dans l'évolution des plantes à fleurs. À ça s'ajoutent des suspicions de carnivorie. Il y a au moins 4-5 groupes dans lesquels on suspecte de la carnivorie, mais c'est pas avéré. Et puis, alors, on n'a pas encore abordé le terme, mais classiquement, dans les ouvrages les études qui traitent de carnivorie, on distinguait carnivorie et proto ou pré-carnivorie. Oui. Alors on pourra en dire un mot là-dessus. On en dira tout à fait un mot tout à l'heure sur la proto-carnivorie. Voilà. On va commencer déjà parce que le groupe carnivore est déjà assez conséquent. Ouais. Et ensuite on terminera parce que ça donne lieu par ailleurs à des stratégies de commensalité, enfin des stratégies même assez folles de complexité pour réussir à aboutir au même terme sans en général avoir la faculté digestive en quelque sorte. Voilà. Donc la carnivorie est apparue de façon répétée et dans des groupes qui sont assez éloignés les uns des autres, et notamment une fois chez les monocotylédones, au moins une ou deux fois chez les monocotylédones, et le reste c'est chez les plantes classiquement le groupe de plantes terrestres, le groupe de plantes à fleurs, pardon, le plus diversifié. Voilà. Et avec des transitions d'un type de carnivorie vers un autre, parfois à l'intérieur d'un même groupe. D'accord. Et alors justement, en termes de traces fossiles, ou si on remonte un peu justement ces arbres phylogénétiques, on sait à peu près à partir de quand ça se diversifie, à partir de quand la carnivorie apparaît. Est-ce qu'on a déjà du registre fossile sur ces plantes, Sophie Nadeau ? Ouais. Il y a quelques fossiles. Il y a quelques fossiles qui sont connus. Il y a notamment Marc-André a parlé de Roridula tout à l'heure. Il y a un fossile de Roridula qui est connu et qui est daté d'à peu près 40 millions d'années. Après les lignées qui contiennent des plantes carnivores, la divergence, elle s'est faite entre 80 et 40 millions d'années. Les espèces connues aujourd'hui pour être carnivores sont beaucoup plus récentes. Elles ont entre 10-20 millions d'années. Mmh. Voilà, mais les lignées dans lesquelles la carnivorie est apparue peuvent être assez anciennes. Alors, il y a eu un fossile qui a été décrit à un moment donné. On pensait que c'était une plante carnivore très ancien, un fossile très ancien. 124 millions d'années. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, déjà, ça paraît un peu suspect, sachant que l'origine des plantes à fleurs est datée entre 200 et 150 millions d'années. Donc ça paraît vraiment tôt, sachant que les plantes carnivores qu'on a aujourd'hui, elles sont assez dérivées au sein des plantes à fleurs. Donc ça veut dire qu'elles sont apparues relativement tardivement par rapport à la diversification globale des plantes à fleurs. Et puis en fait, la carnivorie avait été proposée parce qu'elle ressemble beaucoup, je crois, à Elianthora, qui est une plante carnivore. C'était sur la forme des feuilles et en fait, il s'est avéré qu'elle était probablement pas du tout carnivore. Et si vous nous rejoignez en ce moment, je tiens à noter le travail remarquable que fait Noémie Naguette Saint-Villefranc qui arrive à poster des images de chacune des plantes qui sont mentionnées pour que vous puissiez les visualiser et voir justement cette incroyable diversité déjà en termes de phénotype mais aussi en termes de stratégie. Et évidemment, on va y revenir dans un instant. Ce qu'on peut dire, peut-être le point commun, Marc-André Sellos, au développement de cette carnivorie, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure au début de l'émission, c'est-à-dire que bien ces plantes sont sur des substrats plus pauvres, moins riches en substances azotées, et donc eh bien ont développé ces stratégies simplement pour pouvoir se nourrir et puiser ailleurs ce qu'elles ne trouvaient pas dans le sol. Ah mais oui, mais tout à fait, c'est la stratégie de la dèche. Oui, exactement. Il n'y a pas d'azote, pas de phosphate, pour deux raisons. Soit, là je pense au hotspot de diversité, au point de chaud de biodiversité des Drosera en Australie, c'est des très vieux sols, il n'y a pas de montagne autour, donc l'eau qui arrive, c'est pas de l'eau qui a érodé des montagnes, c'est des vieux sols sableux, il y a des millions d'années qu'il pleut, il pleut, il pleut, il n'y a plus rien à manger dedans. Donc dans ces sables-là, dans les zones humides et ensoleillées, on a des Drosera. L'autre situation dans les tourbières, c'est en fait la présence d'eau qui bloque la décomposition de la matière organique. Du coup, l'azote et le phosphate qui sont dans la matière organique restent dans la matière organique. Ils ne sont pas libérés et la plante ne peut pas les récupérer. Et puis l'autre, le dernier point, c'est quand on est épiphyte, quand on pousse sur une autre plante. Certes, en se perchant sur l'autre plante, on accède au soleil, mais on n'a plus accès à l'azote et au phosphate du sol. Donc, Sophie disait très justement qu'elles sont éloignées évolutivement, mais elles sont proches écologiquement. Elles apparaissent dans les mêmes milieux où il n'y a pas d'azote et pas de phosphate. D'ailleurs, moi, je connais des endroits, où il y a à la fois des Drosera et des utriculaires à quelques centimètres de distance. Donc, elles sont souvent proches parce qu'elles sont dans ces endroits qui contraignent une évolution vers ça. Et dernier point, pour bien montrer à quel point, finalement, c'est une stratégie de la dèche parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est que quand elles peuvent faire autrement, elles arrêtent la viande. Je m'explique. Par exemple, les Sarracenia ont deux types de feuilles. Elles ont celles qui sont en piège. Et puis, celles qui sont juste des feuilles pour la photosynthèse, qui sont plates et très au soleil. Eh bien, les feuilles qui font de la photosynthèse font 25% de photosynthèse en plus. Et ça veut dire que quand la plante a de l'azote dans le sol, elle fait moins diurnes, parce que ça lui permet de faire plus de photosynthèse. Même chose, si vous donnez de l'azote dans le sol à une Drosera, vous verrez qu'elle fera moins de poils collants. C'est-à-dire que quand elles peuvent s'en passer, elles s'en passent, parce que finalement, ça abîme leur photosynthèse. Mais dans les milieux où il n'y a pas le choix, là, bien que ça impacte leur capacité à faire du sucre, c'est la seule façon d'obtenir de l'azote et du phosphate, et finalement, elles sont contraintes à cette stratégie, qui est une stratégie marginale, qui marche que dans ces milieux-là. Partout ailleurs, elles pourraient très bien vivre théoriquement, mais elles sont exclues par des plantes qui sont beaucoup plus efficaces pour la photosynthèse, parce qu'elles passent pas une partie de leur énergie à faire des pièges. Et on va avoir justement toute cette diversité de pièges, de stratégies, pas uniquement pour capturer, mais également pour attirer ou pour digérer ces insectes. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Cute carnivorous plants won't eat you 'cause they're nice. And cute carnivorous plants won't devour you in your sleep. 'Cause cute carnivorous plants wanna eat things like flies. And they know that a human is not a fly. And they're pretty darn smart, 'cause they know that things like dogs aren't anything like a fly. And they're pretty darn smart, 'cause they know that things like a human aren't a fly. It's time to raise some carnivorous plants at your house. But don't worry, 'cause they won't eat a mouse. Instead, they'll eat all those flies buzzing around your house. And you know that they're okay to live with. But don't worry, 'cause they won't eat your potatoes. And don't worry, 'cause they won't eat your kids. And don't worry, 'cause they won't eat your dog who is me. And know that they'll only eat the flies. Carnivorous Plants de Kawai Sakuratrice à 16h32 sur France Culture, puisque c'est ce dont il est question des plantes carnivores, de leur extraordinaire diversité et de la diversité de leur stratégie de capture et de digestion, et bien de matière organique d'origine animale pour la plupart. Nous en parlons avec Sophie Nadeau, qui est professeure de botanique à l'université Paris-Saclay, responsable de l'équipe évolution des angiospermes au laboratoire d'écologie systématique et évolution, et Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'université de dans ce qui est de Kunming. Je vous précise que, bien, comme on va parler de beaucoup de plantes et on va parler de beaucoup de stratégies, notre camarade Noémie Naguette-Saint-Villefranc fait un travail de titan et poste au fur et à mesure les photos des plantes dont il est question sur notre fil Twitter @lamethodefc. Comme elle s'en est très bien sortie en première partie, on va pouvoir accélérer le rythme, hein, si vous voulez, Sophie Nadeau, Marc-André Sellos. On peut débiter du nom de plantes un peu plus rapidement pour que Noémie suive, puisqu'elle suit jusqu'à présent. On peut augmenter un peu le niveau de difficulté. Alors, on va justement se rapprocher un peu de ces plantes, à essayer de comprendre la beauté et la complexité du fonctionnement de ces plantes carnivores, avec, donc, on le disait depuis le début de cette émission, trois caractéristiques qui les définissent en tant que plantes carnivores: l'attraction, la capture et la digestion. Peut-être qu'on peut commencer par l'attraction. Alors, quatre aussi, à l'assimilation. Et l'assimilation, d'accord. Alors, donc, on rajoute l'assimilation. On commence par l'attraction. Qu'est-ce que c'est que l'attraction? Déjà, comment est-ce que effectivement ces plantes deviennent intéressantes pour les insectes? Et quelles sont les différentes stratégies qu'elles peuvent déployer pour bien les faire venir et les faire tomber dans leur piège? Sophie Nadeau. Alors, elles vont user de signaux qui finalement ressemblent un petit peu aux signaux que les fleurs utilisent. Donc elles vont avoir des couleurs certaines, des couleurs dans les tons rouges. Elles peuvent émettre des odeurs et sécréter du nectar. Alors pas toutes. Toutes ne sont pas capables de sécréter du nectar au niveau des feuilles, mais ça, une partie le sont. Le nectar qui est consommé par les insectes qui vont venir visiter ces plantes. Alors du coup, on pourrait presque penser qu'il pourrait y avoir une compétition entre l'attraction des pollinisateurs d'un côté pour la reproduction et puis l'attraction des insectes sur les feuilles pour la survie de la plante. Voilà, pour la consommation et donc la survie de la plante. Alors il y a un équilibre un peu à trouver. Alors pour ça, les plantes carnivores ont développé pour une partie d'entre elles une stratégie qui est d'éloigner leurs fleurs. Et souvent, les fleurs sont au bout de longs pédoncules, et donc elles sont suffisamment distantes des feuilles pour que y ait une différenciation entre la pollinisation et puis finalement la nutrition de la plante. Mmh. Alors, pour revenir à l'attraction, donc voilà, des odeurs, des couleurs et du nectar, et puis ensuite la capture viendra après. Alors, pour parler de l'attraction, vous vouliez des noms tout à l'heure. Allez-y. on peut citer un cas assez intéressant qui est celui de Brocchinia, qui est une broméliacée qu'on trouve dans les forêts d'Amérique, plutôt d'Amérique centrale, des plateaux de Guyane. Qui est une. Alors, Brocchinia n'est pas une épiphyte, je crois. Mais donc, comme les broméliacées, elle a des feuilles en rosette qui forment un piège en urne. Eh bien, elle partage son habitat avec une autre plante carnivore du genre Elianphora, qui fait partie d'une autre famille, hein, la famille des Saracéniacées. Donc, c'est alors là complètement différent phylogénétiquement. Et donc, Elianphora, elle produit du nectar. Elle a des pièges en urne et elle produit du nectar. Et donc, là, finalement, Brocchinia mime un peu le piège d'Elianphora pour partager les proies, l'attraction des proies. Mmh. Peut-être un mot, parce que Marc-André Sellos, on dit que donc il y a effectivement des attracteurs chimiques, hein, le nectar, les odeurs qui sont répandues par la plante, mais des attracteurs optiques. Qu'est-ce que c'est exactement que ces attracteurs optiques, puisque on est sûr que de savoir exactement la qualité de perception optique, ou en tout cas de perception des couleurs des insectes? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de plantes carnivores qui ont des couleurs rouges. Et on pourrait se dire, c'est le cas de la Drosera par exemple, mais les Saracenia ou les fameuses plantes cobra, hein, les Darlingtonia donc d'Amérique, ont souvent des couleurs un peu rouges. Alors, j'avoue que je ne connais pas les travaux de détail qui montrent si ça marche ou pas, mais c'est vrai que les animaux, les insectes en particulier, voient un peu moins bien le rouge que nous. Néanmoins, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'ils ne le voient pas, parce que ça fait des taches sombres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs sur lesquelles on voit des mouchetures rouges. Ben, ces mouchetures rouges sont perçues comme des points noirs. Voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent contribuer à l'attraction visuelle des insectes. Alors après, sur la lumière, il se passe plein de choses marrantes. Bon, je reviens à Darlingtonia, parce que c'est une plante, moi, que j'adore. C'est une plante qui, comme Sophie le disait, présente du nectar, et elle présente aussi des osmophores, c'est-à-dire des tissus qui produisent des odeurs. Bon, les insectes viennent, et si tout se passe bien, bon, comme ils ont mangé, s'ils arrivent à ressortir, vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Mais bon, s'ils arrivent à ressortir, bah, ils prennent l'habitude de venir. Donc, les signaux visuels peuvent être importants parce que ça leur donne une deuxième chance de se faire piéger, ou une troisième ou une quatrième. Le problème des Darlingtonia, c'est qu'on rentre par une petite fente, d'accord, parce qu'il y a un casque, et on arrive dans une zone où il y a du nectar qui est au-dessus de la cuvette où il y a le liquide digestif. Donc, on peut butiner, là, il n'y a pas de problème. Et quand on repart, bah, on peut ressortir par la fente, mais il y a des petites lucarnes. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont rouges, et avec le vert de la chlorophylle, rouge plus vert, ça fait noir, elles sont sombres. Et puis, il y a, sur le casque, quelques petites zones où il n'y a ni le rouge, c'est un tanin, c'est une anthocyane, ni chlorophylle. Et donc, c'est translucide. Et les insectes, ils ont la sale habitude, pour eux, et beaucoup de plantes manipulent ça dans la pollinisation, d'aller vers la lumière. Quoi, sur quelque part, ils vont vers la lumière. C'est la meilleure façon de sortir d'un trou, en fait. Sauf que là, ils partent à toute vitesse vers le casque, et puis, ben, en fait, il y a un tissu translucide. Donc, ils s'assomment là-dessus, et pouch, ils tombent dans l'eau. Alors, c'est un piège assez amusant, celui-là, enfin, sauf pour celui qui reste dedans, mais qui fait que, vous voyez, ceux qui s'en sortent quand même, parce qu'ils ressortent par la fissure d'entrée, la fente d'entrée, comme ils sont contents de ce qui s'est passé, ils peuvent recommencer à l'occasion, sur cette plante, à se faire piéger. Voilà. Alors, cela dit, il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a aussi des pièges qui marchent par hasard. La Drosera, par exemple, ou tout un tas de plantes qui ont des poils collants et pas forcément colorés, où les insectes atterrissent un petit peu par hasard, quoi. Pas forcément. Alors, pour... pas tout à fait, justement. Ouais, parce que Marc-André parlait de lumière tout à l'heure, du fait que les insectes sont attirés par la lumière. Alors déjà, il y a des... Marc-André parlait de contraste sur les feuilles. Effectivement, alors, les insectes voient dans les UV. Et quand on éclaire les feuilles de certaines plantes carnivores aux UV, on voit des contrastes de couleurs. On voit des zones plus sombres, plus claires. Et donc ça, les insectes peuvent le voir, même s'ils ne voient pas le rouge. Et puis pour le côté lumière, eh bien, les Drosera, justement, ces feuilles, on les appelle plantes. Alors, il y a plusieurs plantes carnivores qui ont des noms communs qui évoquent la rosée. Alors, plante rosée, rosée du soleil. Et ça se retrouve dans plusieurs langues. Et c'est à cause de l'effet brillant qui est provoqué par ces glandes à mucilage qui sécrète du mucilage qui va servir à la capture des proies et qui crée un effet brillant. C'est comme ça qu'on les repère d'ailleurs, les Drosera dans les tourbières. C'est tout petit, les Drosera, les Drosera rotondifolia ou longifolia. Ça fait quoi? Quelques centimètres. La rosette fait quelques centimètres de diamètre. Et on les repère à la réflexion de la lumière. Donc ça, c'est un signal visuel aussi d'attraction pour les proies. Et alors ça c'est pour la première partie, la partie attraction. On va parler évidemment maintenant de la capture, donc des pièges. On en a parlé déjà de quelques-uns, mais ils se divisent en trois grandes catégories: les pièges actifs, les pièges passifs, et puis entre les deux, les pièges semi-actifs. Peut-être qu'on peut commencer par les pièges actifs, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Marc-André Sellos, notamment le fameux piège à mâchoire, qui est peut-être le plus connu de toutes les plantes carnivores. C'est un système métabolique tout à fait incroyable, une rapidité folle, et qui fonctionne. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment assez fascinant, je veux dire. Ah oui, alors c'est un piège à mâchoire, mais en fait, il ne faut pas imaginer que l'insecte se retrouve pris dans la mâchoire elle-même. On a donc deux demi-cercles, hein, si on veut, qui sont recollés par leurs tranches, okay, avec des espèces de griffes sur les côtés. Et quand ça se referme, les griffes s'entrecroisent, et ça fait comme les barreaux d'une prison. Il n'est plus question de ressortir. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ça se referme assez vite pour que l'insecte ne s'envole pas. Et puis, il ne faut pas que ça se referme sur n'importe quoi, parce que ça peut se refermer sur un bout de poussière ou un truc qui tombe. Alors, il y a au milieu du piège un certain nombre de petits poils qui sont sensibles. Et si on les excite plusieurs fois, alors ils transmettent à la charnière du piège un signal électrique. Voilà. Et lors de ce signal électrique, il va se produire à la charnière quelque chose de tout à fait particulier, mais pour bien comprendre ça, il faut imaginer que quand la mâchoire est ouverte, les deux parties ont une légère courbure vers l'extérieur, d'accord? Un petit peu comme quand vous vous tenez très droit avec votre dos en arrière. Bon. Au niveau de la charnière, il va y avoir des courants d'ions qui vont se produire et qui vont redistribuer la charge ionique d'un côté de la charnière sur l'autre, et l'eau, elle suit les ions. Donc, l'eau va changer de côté de la charnière. Et à un moment, ça va pousser sur ce piège de façon à l'obliger à changer à changer sa courbure. Mais au début, il est prisonnier de sa courbure ancienne. Et le processus continue, la charnière commence à s'inverser en pression, et elle commence à forcer très très fort les deux pans de la mâchoire, hein, à se refermer. Et puis à un moment, ça craque. Et c'est ce qu'on appelle une inversion de flambage en physique. C'est un processus qui se fait très rapidement, on a dit quelques dixièmes de seconde, qui se fait tellement vite que l'insecte ne peut pas s'envoler. Mais c'est pas fini, parce qu'il se peut qu'il y ait une poussière qui soit en train de traîner avec le vent. Si jamais il n'y a pas très rapidement des molécules qui sortent, comme des fesses de l'insecte, comme les produits d'un début de digestion, alors le piège se rouvre. Mmh. Ça veut dire que c'est refermé sur quelque chose qui n'est pas nourrissant. Sinon, il se rouvre au bout d'une à deux semaines, à un moment où, en fait, la digestion et, comme insistait très justement Sophie, aussi l'assimilation, ont eu lieu. Alors, donc c'est un piège. On va pas dire que c'est un piège intelligent, parce que ce serait un peu bête de le dire comme ça, mais c'est un piège très élaboré. Très adapté. Très élaboré à contrôler la qualité, finalement, de ce qui se trouve piégé. Alors, si vous voulez un record, Sophie Nadeau, oui. Le mouvement le plus rapide qui est connu chez une plante, se fait en 1/50 de seconde, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Il est décrit chez Aldrovanda, qui tire son nom du botaniste, du fondateur du jardin botanique de Bologne d'ailleurs, Aldrovandi, et qui s'appelait au départ Aldrovandia. Et qu'il y a eu le i qui est passé à la trappe à un moment donné dans une retranscription. Et donc, Aldrovanda a été présente en France. Elle est maintenant complètement disparue parce que les milieux où elle vivait ont été détruits, ou bien elle a été trop collectée. Voilà. Et elle existe ailleurs en Europe. C'est un record. Oui, ça va évidemment, ça va très vite. Il y a d'autres, parce que quand on pense piège actif, on pense évidemment aux mâchoires. Il y a un autre type de piège actif qui est plus rare, mais qui est aussi là, je trouve, d'une élaboration et d'une finesse dans l'exécution complètement fou. C'est de piège à succion, parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment évoqué, mais il y a, on l'a dit un peu en première partie, un certain nombre de plantes carnivores qui sont aquatiques, et ce piège à succion, peut-être Marc-André Sellos, vous pouvez nous en dire un mot, parce que là aussi, c'est vraiment d'un raffinement biologique assez incroyable. Oui, et là, on est encore sur des piégeages qui vont se faire en quelques dixièmes de seconde. ou même quelques, oui, on peut même descendre jusqu'à 20 millisecondes dans mon souvenir. L'idée, c'est qu'il y a des petites vésicules complètement fermées, sur les feuilles modifiées, et ces vésicules fermées, il y a des mouvements d'ions qui s'opèrent. La plante pompe des ions de l'intérieur de la vésicule vers l'extérieur. Et il se produit la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Bah, l'eau va suivre les ions parce que l'eau a tendance à aller dans le compartiment le plus concentré. Donc, quand vous retirez des ions de la vésicule, eh bien, il y a de l'eau qui sort. Et la vésicule se retrouve, eh bien, il y a une espèce de dépression d'eau à l'intérieur. Ces feuilles-là sont des feuilles qui sont dans l'eau. Et quand arrivent des petits crustacés, c'est ce que indiquait Romagnesi en tout début d'émission, dans l'extrait qu'on disait, des petits crustacés, des daphnies, des choses comme ça, des petits animaux aquatiques, il y a un dispositif à un endroit qui est très peu stable. Et quand ils le touchent, ça déstabilise et ça ouvre la vésicule. Alors une vésicule qui est en dépression, quand elle s'ouvre, ben, elle se remplit tout de suite. Et là, effectivement, en l'espace de 20 millisecondes, on est aspiré. Alors c'est pas un mouvement là. Mais c'est juste une aspiration qui a une telle vitesse que bon. Puis alors après, pour trouver la sortie, bah, bonjour. Hein. Et puis il y a tapissant à l'intérieur de la vésicule tout un tas de cellules glandulaires qui vont commencer à émettre les enzymes digestives et c'est bientôt fini. Voilà. Alors c'est un piège à usage unique par contre. Mmh. Je crois pas qu'il serait amorcé. Peut-être on peut passer au piège passif. Alors on en a beaucoup. Sauf si vous voulez redire un mot, peut-être Sophie Nadeau, sur les pièges actifs. Je pense que mâchoire et succion ou vésicule, on a à peu près fait le tour. Ou vous vouliez rajouter un mot? Oui, c'est juste en termes d'évolution, ce sont deux types de pièges qui sont apparus une seule fois au cours de l'évolution. Donc il y a une origine unique pour les pièges à mâchoire et une origine unique pour les pièges à succion. Ce qui n'est pas le cas des pièges passifs, parce qu'on a là, pour le coup, des pièges, on peut commencer peut-être par les pièges à urne, les fameuses népenthèses qui fascinaient tant le dessin de Huysmans. Comment ça fonctionne une urne de népenthèses, par exemple, Marc-André Sellos? Ça dépend laquelle. Il y en a plusieurs. Il y a plein de dispositifs. C'est un festival. Hein. D'abord, la première chose, c'est que en haut, tout se passe bien. Le problème, c'est que si vous descendez un tout petit peu, vous avez une paroi qui est faite d'un revêtement cireux qui se décolle. Alors, plus vous essayez de vous agripper, plus ça se décolle. En plus, les petits pores respiratoires, les stomates, ont une forme assez particulière. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont deux parties et la partie qui est au-dessus recouvre celle du dessous. Du coup, vous avez une espèce de système de tuiles, ok, qui sont en pente vers le bas. Du coup, c'est très difficile de s'accrocher à ça, surtout qu'en plus, comme on le dit, la surface se décroche. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Il y a même des népenthèses qui sont en symbiose avec des fourmis du genre Camponotus, qui vivent dans une espèce de petit balcon. Alors, elles sont en première loge pour voir le spectacle. Ça, c'est génial. Allez-y, ouais. Elles sont sur un balcon qui est circulaire en haut de l'urne. Et quand il y a des trucs qui arrivent, bah, elles les poussent dans le liquide qui est au fond. Donc, il y a tous ces problèmes qui font qu'on tombe au fond. Et puis, on est attiré, bien sûr, en amont par des odeurs, hein, voire du nectar qui est sur le bord de l'urne. Et puis, quand on tombe au fond, il y a un liquide hyper visqueux, qui est d'une gluance infernale, et on s'en défait pas. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand, dans les népenthèses qui sont en symbiose avec des Camponotus, bon, c'est un cas particulier, mais moi, je l'aime beaucoup, parce que les fourmis, elles savent descendre, hein, et elles sont pas emmerdées du tout par le liquide digestif, elles sont adaptées, elles ont une surface non mouillable, en fait. Donc, elles sont ni engluées, ni digérées, et elles descendent pour découper des petits morceaux des proies, ce qui évite d'ailleurs que les proies s'échappent, puisqu'elles commencent à se faire découper pour se nourrir elle-même. Et ça, ça aide en plus à la digestion, puisqu'elle commence à débiter la viande, si j'ose dire. Alors, en plus, dans les vieilles vésicules, il y a souvent des bactéries qui arrivent à s'installer et qui augmentent la vitesse de digestion. Mais il y a eu des expériences historiques qui ont été faites pour... Parce qu'au début, les gens pensaient que c'était les bactéries qui digéraient les proies. Donc, on a recouvert avec un film des urnes au moment où elles s'ouvraient, pour bien vérifier que dans ces cas-là, si on introduit une proie, elle est digérée, alors même qu'aucune bactérie ne se soit introduite. Donc ce sont bien les enzymes de la plante qui font tout le travail de décomposition de la proie. Voilà, les bactéries, c'est un plus avec l'âge, avec le temps. Et alors ça, c'est pour les urnes ou les cornets. Peut-être que vous avez d'autres exemples, Sophie Nadeau, en tête pour ce type de piège. Alors pour les cornets, bon, ça c'est... Marc-André l'a bien décrit. Par contre, il y a d'autres pièges passifs. Hein, il y a des pièges collants qui sont des pièges passifs. Donc, les pièges collants, comme chez les Drosera, il y a un mouvement qui se fait, chez les pinguicules aussi. Mais il y a des pièges collants chez lesquels il n'y a pas de mouvement. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le cas, par exemple, chez les Roridula, qui ont des feuilles collantes. Alors, en plus, chez les Roridula, il y a quelque chose d'assez rigolo. c'est que, bon, ça Marc-André pourrait en parler mieux que moi certainement, elles sont visitées par des punaises et des araignées qui viennent chasser donc sur le piège. Et en fait, la plante ne mange pas directement les punaises et les araignées, elle mange les excréments. Elle est capable d'assimiler les excréments des punaises et des araignées. Mmh. Et puis, on parle du coup pour Auridula, c'est justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de la proto-carnivorie, parce que du coup, toute la stratégie qui est élaborée par la plante consiste effectivement à attirer certaines espèces d'insectes, mais du coup, les laisser repartir en vie, mais ne faire que consommer leurs excréments. Alors, proto-carnivorie. Alors, bon, moi, j'aime pas beaucoup l'idée de. Alors, on parle aussi de préadaptation à la carnivorie, mmh. de choses comme ça. J'aime pas beaucoup cette façon de voir parce que ça implique déjà une direction, alors que le hasard peut jouer un grand rôle hein, quand même dans l'évolution, et puis une espèce de hiérarchie. C'est mieux. Alors, il y a les super carnivores avec les pièges à mâchoire, les pièges. À suction, et puis il y a celles qui font un peu moins bien avec les pièges collants ou les pièges à urne, et puis il y a celles qui font encore un peu moins bien avec la proto-carnivorie. Non, c'est des stratégies qui sont différentes. D'ailleurs, on trouve de la proto-carnivorie, entre guillemets, dans des groupes qui sont pas des groupes dans lesquels il y a de la vraie carnivorie. Hein. Mmh. C'est des choses qui sont apparues de façon répétée au cours de l'évolution. Et il y a d'ailleurs des chercheurs qui considèrent que tout ça correspond à la carnivorie et puis qui font pas de distinction entre proto et carnivorie. Si une plante a été, alors on va être très finaliste, mais a été assez intelligente pour mettre à son service des bactéries pour l'aider à digérer ses proies, et ben c'est super. Oui, bien sûr. Ça fait partie d'elle. Évidemment, non, mais il n'y a pas d'ambition de classification, en tout cas, du mieux ou du moins bien. On voit que toutes ces stratégies sont déjà assez fascinantes. Marc-André Sellos, peut-être un mot là-dessus. Oui, justement, c'est tout à fait exact hein, ce que dit Sophie. J'aime pas les mots en proto, parce que ça donne l'impression que c'est des organismes qui sont avant des choses qui sont en fait en même temps qu'elles. Mais il faut bien voir que, on peut avoir des traits de la carnivorie qui sont aidés par des insectes. On a vu tout à l'heure que les fourmis, les Camponotus, aidaient certains Nepenthes à capturer. On voit là que les Auridula aident à digérer et que c'est les crottes finalement qui vont être déposées sur la plante qui vont aider. Le nom des petites punaises qui dévorent les proies piégées, c'est des Pameridea. Voilà. Et donc, il faut voir que dans un continuum évolutif, effectivement, on a des situations qui peuvent aller vers la carnivorie. Par exemple, quand on a une plante qui retient de l'eau et que dans cette eau se décomposent des choses avec des bactéries, on peut avoir une évolution qui va faire apparaître une capacité à digérer. Quand on a une plante qui est collante, on peut avoir une évolution qui va faire apparaître la capacité à digérer. Non. Et on peut très bien aussi perdre les poils et donc perdre ce qu'on appelle, avec plein de guillemets, donc là, la proto-carnivorie. C'est réversible. Par contre, à ma connaissance, et là, peut-être Sophie en sait plus que moi, il y a un piège évolutif, pour le coup, c'est la carnivorie. C'est qu'on n'en sort pas. Moi, je connais pas des espèces qui aient perdu la carnivorie, sauf peut-être chez certaines Drosera. Et ça, c'est amusant parce que c'est un piège écologique. Ça veut dire qu'elles finissent par vivre dans des milieux où elles sont obligées de rester comme ça. Et si jamais elles s'aventurent vers d'autres milieux, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que leur dispositif les rendait moins capables de faire la photosynthèse. Donc, si elles ressortent des milieux où elles ont besoin d'être carnivores, elles sont moins compétitives que les autres plantes. Il n'y a aucun espoir adaptatif, il n'y a aucun espoir évolutif. J'ai un peu l'impression que la carnivorie totale, où on attrape et on digère, est un piège évolutif. C'est une impasse. Dont on ressort que rarement. Mmh. Sophie Nadeau, Me suis posé la question et j'ai essayé de regarder s'il y avait des reconstructions d'évolution de caractère qui pouvaient confirmer ça, la notion de piège évolutif, ou l'infirmer. Et il y a quand même un point d'interrogation dans le groupe des Drosera, justement. Alors, pas seulement pour le genre Drosera, mais les Droseraceae font partie d'un petit groupe qui comprend aussi d'autres familles carnivores, les Drosophilaceae, les Nepenthaceae, et au milieu de tout ça, il y a un groupe qui émerge, qui est les Ancistrocladaceae, la famille des Ancistrocladaceae, et puis des Dioncophilaceae. Alors, dans celle des Dioncophilaceae, on trouve le genre Trichophyllum, mm-hmm. qui est une plante carnivore, alors avec de la carnivorie transitoire. Il y a trois types de feuilles, il y a seulement à un stade particulier de la vie de la plante, il y a le, des feuilles carnivores. Les feuilles les plus jeunes et les plus âgées ne sont pas carnivores. Et ça, il est possible qu'il y ait eu une perte de la carnivorie chez, après une émergence de la carnivorie d'abord chez l'ancêtre des Drosera et apparentés, et puis ensuite une perte, et puis réémergence chez Trichophyllum. Mais pour être sûr de ça, il faudrait vraiment des analyses assez fines. Donc il y a quand même un point d'interrogation. Sachant que les plantes sont quand même, elles ont la capacité de refabriquer, de régénérer. Par exemple, alors beaucoup de plantes carnivores ont perdu leurs racines, mais une cellule de plante garde sa capacité à fabriquer des racines si on la met dans de bonnes conditions. Donc je sais pas si c'est vraiment une impasse à ce point-là, voilà. Oui, tout à fait. Peut-être un mot pour conclure, parce qu'on arrive au bout de cette émission sur la digestion et l'assimilation. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire sur le fait que bien les plantes carnivores ne digèrent pas toutes exactement de la même façon, selon le même processus. Il y a des choses qui sont digérées et pas digérées, notamment la chitine des insectes, qui apparemment est quand même relativement indigeste. Mais peut-être un mot, parce qu'on le disait au tout début, et puis ça fait partie un peu du fantasme collectif autour de ces plantes. Certaines plantes, tout de même, notamment des plantes à urne, arrivent à digérer des petits organismes ou des petits animaux, en fait, de petite taille, des grenouilles, des lézards, des salamandres, parfois même des souris, paraît-il, Marc-André Sellos. C'est des cas très très rares. Alors moi, la seule souris que j'ai vue dans une urne de Népenthès, elle est toute petite, c'était surtout une noyée, parce qu'elle était tombée la tête en avant, puis elle n'a pas pu ressortir. Donc je ne suis pas sûr que le piège... Mais c'est une question de taille, pour des petits vertébrés, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis alors, il y a une chose importante, c'est quand on digère ces bêtes-là, bon, bien sûr, il y a de l'azote et du phosphate qui sort, et ça compense le fait qu'il n'y en ait pas dans le milieu, mais il y a aussi une autre chose importante, c'est qu'elles contiennent des sucres, ces bêtes-là, elles contiennent des matières carbonées. Et en préparant l'émission, je regardais des papiers là. Quand vous regardez une Drosera, elle est capable de récupérer jusqu'à 50% du carbone de ses proies. Et il y a des travaux qui montrent qu'en fait, on retrouve des molécules carbonées, notamment des sucres des proies, dans tout le métabolisme ensuite. C'est des travaux de marquage avec un autre isotope, le carbone 13. Donc effectivement, il y a une réutilisation du carbone. Cela dit, rien du tout, c'est très efficace, 50%. Mais d'un autre côté, c'est rien du tout par rapport aux besoins de la plante, qui sont largement couverts par la photosynthèse, et ça ne rembourse pas le déficit de photosynthèse que crée la mise en place des pièges. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sophie Nadeau, merci Marc-André Sellos d'être venu nous parler de ces plantes carnivores. Marc-André Sellos, bientôt un livre sur les tanins chez Actes Sud, je crois. Oui, qui est paru l'automne dernier. D'accord, les goûts, les couleurs du monde, histoire naturelle, les tanins, de l'écologie à la santé, effectivement, c'est chez Actes Sud. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Un grand merci à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc qui a posté tout au long de cette heure toutes ces photos de belles plantes carnivores sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci également à Eve Etienne, Céline Lausanne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique, et un aperçu de ce que nous avons concocté, pour cette semaine dans la méthode scientifique. Demain, nous vous parlerons de la possibilité de voir apparaître les briques élémentaires de la vie dans l'espace. Mercredi, il sera question d'épidémiologie sociale ou comment étudier la diffusion d'une maladie dans les différentes strates de la société. Jeudi, nous recevrons l'épidémiologiste Arnaud Fontanet pour dresser un premier bilan de la pandémie en France 4 mois après son début sur le territoire. Et vendredi, nous vous proposons une réécoute du grand entretien que nous avions eu avec l'un des auteurs de SF les plus passionnants de ce début du XXIe siècle, Robert Charles Winston. On se retrouve demain matin à 8h55 pour la radiographie du coronavirus. Et puis à 16h pour la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.